Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Deuxième épisode. À Toulon, un médecin inspecteur de la marine découvre qu'un gabier du navire Le Melpomen, ancré dans le port, est mort du choléra. Après avoir tué en duel le baron Schwartz, Angelo, colonel de hussards et fils naturel de la duchesse Pardi, est obligé de quitter le Piémont. Il parcourt à cheval la Haute-Provence. Le cheval marchait gaiement. Angelo arriva au pas de Redortier vers les 9 heures. De là, il pouvait plonger ses regards dans la vallée où il allait descendre. La montagne tombait en pente raide. Il était juste au-dessus de ce hameau que le garçon d'écurie avait appelé les Omergues. Chose curieuse, les toits des maisons étaient couverts d'oiseaux. Il y avait même des troupes de corbeaux par terre autour des seuils. Il doit se passer quelque chose ici. Cette odeur n'est pas naturelle. Quelle figure ferais-je à la guerre ? J'ai le courage de charger, mais aurais-je celui du fossoyeur ? Il faut non seulement tuer, mais savoir regarder froidement les morts, sans quoi on est ridicule. Et si on est ridicule dans son métier, dans quoi sera-t-on élégant ? Oh, oh, oh, oh. Un corps à travers du chemin. Cette odeur sucrée de plus en plus forte. Allons! Saute à terre! Saute à terre! Me voilà frais. Ils ont becqueté l'œil naturellement. Les vieux sergents avaient raison. Voilà donc le morceau favori. Alors, monsieur le troupier, vous voilà capot ? Horrible. Et comme elle sent mauvais. Un spectacle très insolent. Trois cadavres. Le chien et les oiseaux ont fait beaucoup de dégâts. Cet enfant écrasé sur la table comme un gros fromage blanc. Je vais me flanquer les quatre fers en l'air. Foutu poule mouillée. Voilà les tours que te joue ton imagination et cette habitude de rêver. Quand la réalité te tombe sur le poil, Il te faut un quart d'heure pour t'y remettre. Des cadavres un peu moins frais. Secs comme des momies. Qu'est-ce que ça veut dire? Angelo faisait mille réflexions rouges et noires. Il était très effrayé et glacé des pieds à la tête, à quoi s'ajoutait une violente envie de vomir à cause de l'odeur sucrée et de la grimace des morts. Mais cette mort faisait mystère. Le mystère est toujours résolument italien, c'est pourquoi Angelo, malgré son dégoût et sa peur, se pencha sur les cadavres et vit qu'ils avaient la bouche pleine d'une matière semblable à du riz au lait. Des rats. Je suis joli. Il faudrait certainement courir quelque part le plus vite possible pour porter la nouvelle et faire enterrer ces morts qui vont donner bientôt une pestilence du diable. Surtout si cette terre continue à les cuire et à l'étouffer. Et je n'ai plus de cheval. Et je ne connais pas le pays. Attention, quelqu'un. Et quelqu'un de vivant. Avec mon cheval. Attention à ne pas perdre la face devant un paysan qui va certainement rester bouche bée de la belle histoire que tu vas lui raconter, mais qui après fera des gorges chaudes de ton visage défait. Je vois que vous me ramenez mon cheval. Je n'espérais pas trouver son cavalier sur ses jambes. Il ne m'a pas désarçonné. J'ai mis pied à terre quand j'ai vu le premier cadavre. Car il y a également des cadavres ici. Vous les avez touchés? Il y a longtemps que vous êtes ici. Vous avez une drôle de tête. Je suis arrivé tout à l'heure. Il se peut que ma tête soit drôle, mais je regarderai la vôtre avec attention quand vous aurez vu ce que j'ai vu. Oh, il est probable que je vomirai exactement comme vous avez vomi. L'important, c'est que vous n'ayez pas touché les cadavres. J'ai tué à coups de bêche un chien et des rats qui les mangeaient. Ces maisons sont pleines de morts. Il me semblait bien que vous aviez fait le fier à bras. Vous êtes exactement quelqu'un de ce genre-là. Avez-vous froid aux jambes? Je ne crois pas. On ne croit jamais, jusqu'au moment où on en est sûr. Buvez un bon coup de ça. Allez-y, franchement. En fin de compte, allez-vous me dire ce qui se passe? Comment, vous ne savez pas? Et d'où venez-vous? C'est le choléra morbus, mon vieux. Le plus beau débarquement de choléra asiatique qu'on ait jamais vu. Allez-y encore une fois. Allez, buvez. Voyez-moi, je suis médecin. Je vais y aller un peu, moi aussi. Tenez. Je suis habitué. Il y a 3 jours que je ne tiens de bouc avec ça. Ah, le spectacle des villages par là-bas devant n'est pas non plus très féerique. Vous dites que ces maisons sont pleines de morts? Voilà donc la chose terminée pour les omergues. C'était un bon petit hameau. Je suis venu y soigner des fluxions de poitrine il y a 6 mois. Je les avais d'ailleurs guéris. C'était un coin où on buvait de bons petits coups, vous savez. Mais qu'est-ce qu'on fout au milieu de la route? Vous croyez qu'on ne serait pas mieux sous ces arbres? Mauvaise affaire pour vous. Il faut voir les choses comme elles sont. Laissez vos jambes au soleil. Qu'est-ce que vous foutiez dans ces parages? Allez au château de Serres. Terminé pour le château de Serres. Ils sont morts? Naturellement. Et les autres, qui ne valaient guère mieux, se sont empilés dans une chaise de poste et ont foutu le camp. Ils n'iront pas loin. Je me demande ce que vous allez faire, vous. Moi? Eh bien, je n'ai pas envie de foutre le camp. Contre cette saloperie-là, mon vieux, il n'y a que deux remèdes. La flamme et la fuite. Très vieux système, mais très bon. J'espère que vous savez ça. Vous avez l'air de le savoir vous-même, et cependant, vous êtes là. Le métier. Sans ça, je vous fiche mon billet que je jouerai la fille de l'air et sans attendre. Maintenant, c'est vous qui avez une drôle de tête. Ça, j'avoue que je suis un peu décati. Voulez-vous me passer la drogue, s'il vous plaît? Un cigare? Je peux bien dire que depuis 3 jours et 3 nuits, je n'y ai pas pensé. Je ne vous garantis pas que je ne vais pas tourner de l'œil, vous savez. On a de drôles de carcasses. J'étais un peu nerveux tout à l'heure quand je vous ai rencontré. Le choléra a éclaté à Sisteron, au bout de cette vallée. La municipalité et le sous-préfet ont été alertés par un gendarme à cheval, venu dire qu'ils s'en passaient de belles. À Noyer, ils ont envoyé un petit pâtre avec un mot pour réclamer 10 soldats de la garnison et de la chaux vive pour enterrer les morts. Mais allez savoir si ce gosse est arrivé à Sisteron. Il a peut-être déjà crevé avec le papier dans sa poche. De toute façon, la situation était claire. Il restait 6 à Noyer. On les a collés sur les routes de la montagne avec leurs baluchons et des drogues. S'ils ont de la chance, ils en réchapperont. Les autres, eh bien, il n'y a qu'à faire des fosses assez grandes. Il y en avait encore un entre la vie et la mort, à Montfroc, un petit hameau, à 1 lieue derrière ces rochers. Il m'a claqué dans les doigts ce matin. Je m'étais assis devant sa porte quand j'ai vu arriver votre canasson au pas. Et il n'a pas fait d'histoire pour se laisser prendre par la bride. Ah, s'il en avait fait, il aurait pu courir. J'avais toutes les peines du monde à me tenir debout. Reposez-vous. Foutre, non. Un coup de drogue et allons-y. Ils vont agoniser dans les coins invraisemblables parfois. J'aimerais bien en sauver un ou deux. C'est des trucs dont on se souviendra avec plaisir dans 50 ans. Soignez bien les cigares. On s'en paiera un bon après la corvée. Eh bien, voilà le silence sépulcral. Je vais voir, restez là. Pour qui me prenez-vous? Je suis déjà entré. C'est là que j'ai tué les rats. Comme vous voudrez. Ah. Incontestablement terminé. Vous avez regardé dans les coins? Qu'est-ce que vous cherchez? Le dernier a dû se traîner dans un coin innommable. Et c'est celui-là qui a une chance. C'est celui-là qu'il faut trouver. Dans des endroits dont vous n'avez pas idée. Bon. Ici, il n'y a rien, sauf un machin extrêmement précieux pour vous et pour moi. Et si on trouve des types affectionnés. De l'eau de vie, la bien nommée. Ça, on peut se permettre de la barboter, c'est un remède. Il y a belle lurette que je n'ai plus une goutte ni de laudanum ni d'éther. Il me reste juste un peu de morphine, mais je l'ai quand même mise. Pour ne rien vous cacher, je les soigne un peu à la fortune du pot. En tout cas, avec ça, on pourra faire des flexions superbes. J'aurais mieux aimé quelque chose à me mettre sous la dent, mais ça, naturellement, c'est tabou. Parlez. Parlez sans arrêt, ça vous dénoue les nerfs. Reste à peine la force de tirer sur mon cigare. Dormez. Vous croyez que c'est si facile que ça? Je ne pourrai peut-être jamais plus dormir de ma vie, à moins qu'une nourrice me tienne la main. C'est mon ventre vide. Ne faites pas attention. Je vais faire du feu. Jusqu'aux environs de minuit, le jeune médecin ne dit plus un mot, quoiqu'il restât les yeux grands ouverts. Angelo mettait de temps en temps du bois au feu. Il sentait la très désagréable proximité des maisons pleines de morts dans l'ombre. Vous avez entendu? Un animal? Un gosse. Viens, approche. Bois un coup de ça. Mes pères et ma mère sont mortes. Ma sœur est encore vivante quand je suis partie. Le cabanon est à nous. Un loge-bosse. Annette. Vous comprenez ce qu'il dit? Pas tout. Je crois qu'il parle de son père et de sa mère. Oui, mon père et ma mère, ils sont morts. Ils sont morts. Mais sa sœur était, paraît-il, encore un peu vivante quand il est parti. Ce sont des bûcherons, ils ont une cabane à une heure d'ici. Je crois qu'il va falloir y monter. Vous, vous devriez rester ici, à entretenir le feu et attendre les soldats. Les soldats se débrouilleront bien tout seuls, s'ils sont dignes de ce nom. Ansel. Oh. Vous êtes un sacré orgueilleux. Hé, pied à terre, revenez, ce petit imbécile est malade comme un chien. Regardez-le, il tremble de la tête aux pieds. Foutez du bois dans ce feu et faites chauffer de grosses pierres plates. Aidez-moi à l'allonger. Sur votre redingote? Gardez-la sur votre dos, idiot. Et prenez plutôt ça. C'est votre manteau qui sera foutu. Vous mériteriez que je vous casse la gueule. Servez-vous de ça et gardez vos réflexions pour vous. Sacré salaud de gosse. Avec ses mains dans les poches, il voulait en remontrer à tout le monde, hein? C'est malin. Qu'est-ce qu'il tenait debout? La fierté, hein? Tu ne voulais pas canner? Couillon, va. Donnez-moi des pierres chaudes. Prenez la bouteille d'eau de vie. Frictionnez-le. Plus fort. N'ayez pas peur de l'écorcher. Ça pourpoussera. Arrêtez-vous. Il a maintenant 50 centigrammes de calomel dans le coco. On va voir. Couvrons-le. Je lui en donne encore 25 centigrammes. Tant pis. Si vous pouviez continuer à frotter, mais sans le découvrir, en passant vos mains là-dessous. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est tout mouillé. Dysenterie. Je flamberai vos mains. Allez-y. Maintenant qu'on y est. Je donnerai 10 ans de ma vie. Pas de sentimentalité. J'ai l'impression qu'il va bougrement vite. Prenez la poudre de votre pistolet, détrempez-la dans l'eau de vie et faites-moi des cataplasmes dans des mouchoirs ou des morceaux de votre chemise. Rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez? On m'envoie chasser le tigre avec un filet à papillon. La poudre de pistolet, c'est pas une thérapeutique. Ils n'ont pas voulu me donner de remède. Ils avaient une frousse du diable. Si j'avais de la belladone, je leur ai dit. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de votre éther? Il ne s'agit pas de désinfecter. Ils ne se rendent pas compte qu'on a envie de sauver. Et maintenant, on est beau à essayer de faire marcher ce sang à coups de pouce. Attends, mon vieux, attends. Je te la donne, va. Ma morphine. À la hanche. Maintenant, ne le frottez plus. Couvrez-le. Et voilà. Je n'en sauverai pas. Ce n'est pas votre faute. Oh, ces fleurs-là. Le jour était levé. Les lourdes draperies de brume de craie se remettaient en place dans le silence. Désinfectez-vous. Le soleil dépassa la crête des montagnes en face. Il était blanc et lourd comme les jours passés. Angelo se laissa réchauffer sans bouger, jusqu'à ce que sa chemise trempée de sueur soit sèche. Il croyait que son compagnon dormait, mais quand il se redressa, il vit que le jeune médecin avait les yeux ouverts. Comment allez-vous ? Foutez le camp. Angelo lui tira ses bottes et ses bas. Il le dépouilla de sa culotte. Il vit qu'elle était raidie de diarrhée déjà ancienne et sèche. Les jambes du jeune homme étaient glacées, déjà marbrées de violet. Il les arrosa d'alcool et se mit à les frictionner de toutes ses forces. Laissez. Laissez. Décamper. Sous les frictions qu'Angelo faisait aller de plus en plus vite, il lui sembla que la chair s'amollissait, tiédissait, reprenait un peu de nacre. Il activa le mouvement. Il se sentait une force surhumaine. Mais en dessous du genou, les jambes restèrent glacées et couleur lie de vin. Dès qu'il s'arrêtait de frotter, la cyanose sortait du genou, arborescente comme une sombre feuille de fougère, et monter dans la cuisse. Vers le soir. Pauvre petit foncé. Angelo passa une nuit terrible à côté des deux cadavres. Il n'avait pas peur de la contagion, il n'y pensait pas. Mais il n'osait pas regarder les deux visages sur lesquels le feu jetait des lueurs et dont les lèvres retroussées découvraient des mâchoires aux dents de chien, prêtes à mordre. Il ne savait pas que les morts du choléra sont secoués de frissons et même agitent leurs bras au moment où leurs nerfs se dénouent. Et quand il vit remuer le jeune homme, ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Mais il se précipita pour lui frictionner les jambes et il les lui frictionna encore longtemps. Le hussard sur le toit de Jean Giono. C'était le deuxième épisode. Avec Bruno de Volder, Angelo, Philippe Avron, le médecin, ainsi que Rosine Favet, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusforg, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mortet, assisté de Daniel Finot.